faisait pas bon à dehors. On se sentait un peu seul, il y avait de la pluie dans le décor. La caisse était en panne, le moteur fumait, était mort. On ne se sentait pas l'âme de marcher encore et encore. La tige a ouvert les portes d'un manoir étrange. Qui avait le teint vert, les yeux rouges qui dérangent. Le temps était sympa, quoique un tout petit peu froid. Il peut nous dire à basse voix, faites comme chez vous, vous êtes chez moi. Une boiserie, ça faisait 1000 ans et quelques nuits qu'on n'utilisait plus les lits. Tu nous regardais comme des steaks, la bouche qui pend, la bave en verre. Ça se voyait que tu étais sec, le regard m'a empreint plein de cernes. Dans un élan de compassion, on te présente et te prouvaine que tu prenais sans concession. On n'était pas au bout de fait. Soupir, 30 ans pour un battement d'aile. On renaissait, mais l'âme emblème, sans question ni même dilemme. Le cœur vide comme un alien à qui on aurait fait la peine. On pensait devenir des vampires, buvant du sang, craignant les croix. On est tout devenu bien pire, l'élite de tous les parias. Petit à petit à sucer tous les pénis, les jeunes et vieux de leurs amis jusqu'à la sucette de la nuit. Sans émotion et aucun remords, à prendre la rente des morts, à financer la peau de porc, à s'en faire les couilles en or. Et même quand il en aurait plus, à faire encore de l'argent dessus, passer ses journées spéculer sans jamais s'ennuyer.